Alors j'écoute. Lucien, tu vas bien, c'est François. Alors, comment il va ce soir, monsieur l'Auxerrois? D'abord, je suis pas Auxerrois, et puis de un, c'est pas encore perdu, hein. C'est pas perdu. Écoutez-le, le con, il se prend 2 buts dans les 5 premières minutes et il dit que c'est pas perdu. C'est des guignols, les Auxerrois, des petites bêtes, des gens foutres. Ah oui, et qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est Auxerre, peut-être? Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. Va te faire foutre, tiens. Toi aussi, va te faire foutre. Oh, mais quel connard, ce type. Oh, allez, l'OM, eh. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Oh, chiotte, l'OM. Quel connard. Je le rappelle. Ah, mais il est hors concours, celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. C'est pas grave, je vous dis, je le rappelle, on s'engueule tout le temps, on s'adore.